بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 2 dans le chapitre de Al-Mulakhas al-Fiqhi du Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala dans Kitab al-Qisas wal-Jinayat. Au dernier cours, on a expliqué parmi les différentes catégories c'est-à-dire des règles qui ont rapport avec le meurtre. Et on a expliqué que les ulama, ils ont divisé le meurtre en trois catégories. Le meurtre ou l'homicide volontaire, il y a l'homicide involontaire, puis il y a, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, shibhul amd. Shibhul amd, ça veut dire semi-involontaire. Semi-volontaire, pardon. Et on a expliqué la première catégorie, et là maintenant on va expliquer yani la deuxième. Donc ici le cheikh il explique et il dit que il dit wa shibhul amd qad arrafahu al fuqaha. En ce qui concerne premièrement al amd, al qatl al amd, c'est basé sur les versets dans le Coran qui détermine ou qui mentionne clairement cette catégorie-là. Et en ce qui concerne al-qatl al-khata, c'est-à-dire l'homicide qui est involontaire, il y a aussi des versets dans le Coran à ce sujet-là. Tandis que shibh al-amd, eh bien, ça c'est basé sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la définition c'est la suivante. Le cheikh dit wa shibh al-amd qad arrafahu al-fuqaha rahimahumullah bi qawlihim huwa an yaqsud jinayatan la taqtul ghaliban fayamut biha al-mujni alayhi sawa' kana dhalika bi qasd al-udwan alayhi aw li ajli ta'dibihi fayusrifu fi dhalika وسمي هذا النوع من الجنايات شبه العمد لأن الجاني قصد الفعل وأخطأ في القتل. يعني donc la définition de شبه العمد, l'homicide qui est semi-volontaire, c'est défini par les savants de fiqh comme étant le crime qui a été fait par une personne qui avait l'intention, de faire du mal à quelqu'un, mais par quelque chose qui en général ne tue pas. D'accord? Il a eu l'intention, par exemple, de faire quelque chose à quelqu'un, de le frapper ou de lui faire quelque chose qui en général ne va pas tuer une personne, sauf que ça a causé sa mort. Peu importe que la personne qui ait voulu faire ça à l'autre l'ait fait par l'intention de vouloir transgresser contre cette personne-là ou qu'elle l'ait fait dans le but de le punir, peu importe, si il a causé la mort de la personne, dans ce cas-là, on va dire que c'est shibh al-amd, c'est-à-dire c'est semi-volontaire. Pourquoi? Parce que la personne qui a commis cet homicide, elle a eu l'intention de faire l'action, mais elle a commis le meurtre par erreur. Donc, ce n'est pas complètement volontaire et ce n'est pas complètement involontaire. D'accord? Et il dit, « Wa qala ibn Rushd, man qasada darba rajulin bi'aynihi bi'alatin la taqtulu ghaliban, kana hukmuhu mutaraddidan » بين العمد والخطأ فشبهه للعمد من جهة قصد ضربه وشبهه للخطأ من جهة ضربه بما لا يقصد به القتل انتهى كلامه. Donc Ibn Rushd, un des ulama, il dit que la personne qui a eu l'intention de frapper quelqu'un avec un instrument ou quelque chose qui en général ne cause pas la mort ou en général ne tue pas, alors dans ce cas-là, son jugement ou son verdict, il va être entre l'homicide volontaire et l'homicide involontaire. Parce qu'il y a une ressemblance un peu des deux. Il y a une ressemblance sur le plan que la personne a l'intention de frapper la personne. Et il y a une donc ça, c'est la ressemblance à l'homicide volontaire. Et la ressemblance avec l'homicide involontaire, c'est dans le fait qu'il la frappe par quelque chose qui, en général, n'est pas utilisé pour tuer quelqu'un ou ne tue pas quelqu'un en général. D'accord? Donc, par exemple, quelqu'un qui frappe une personne, et puis la personne, elle tombe, puis elle se frappe la tête, elle meurt. Lui, la personne qui l'a tué, elle n'a pas eu l'intention de le tuer. Elle voulait juste la frapper, hein? Mais elle a causé sa mort. Donc, ça, c'est Shibhul Amd. Ou bien, si elle utilise un bâton, par exemple, pour le frapper, en général, ce genre de bâton-là, ce n'est pas quelque chose qui tue. Ce n'est pas comme si quelqu'un va prendre, par exemple, une grosse poutre, hein, une grosse poutre qui est lourde et la fait tomber sur quelqu'un. Là, dans ce cas-là, ça peut être volontaire parce que c'est quelque chose qui est assez lourd pour la tuer. Mais si c'est juste un bâton, par exemple, un petit bâton ou une matraque, et que la personne elle lui donne un coup, par exemple, sur un endroit de son corps qui n'est pas à la base un point vital ou un endroit qui va causer sa mort, alors dans ce cas-là, si par conséquent la personne meurt, eh bien on va dire dans ce cas-là c'est semi-volontaire, c'est pas volontaire, hein, complètement. Et il dit « وَمِنْ أَمْثِلَتِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا لَوْ ضَرَبَهُ فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ بِصَوْتٍ أَوْ عَصَى صَغِيرٍ أو لكزه بيده أو لكمه في غير مقتل فمات كان ذلك شبه عمد تجب به الكفارة في مال الجاني وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين كما يجب في الخطأ ووجبت الدية مغلظة في مال عاقلة الجاني لحديث أبي هريرة رضي الله عنه اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه. Donc ici, le cheikh, il mentionne parmi les exemples des homicides qui sont semi-volontaires, lorsque, par exemple, si une personne frappe une autre personne avec quelque chose qui ne tue pas en général et qui la frappe dans un endroit qui n'est pas un endroit vital, par exemple avec un fouet ou bien avec un petit bâton, ou bien que la personne là lui a donné un coup de poing avec son poing, ou bien... il lui a donné une gifle, hein, dans un point qui n'est pas vital et que la personne est morte, hein, par conséquent. Alors dans ce cas-là, on va dire que c'est un homicide semi-volontaire et la punition par rapport à ça, ou la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire pour réparer ça. On a dit par rapport à l'homicide volontaire que il fallait que la personne elle paye la dia, elle va payer le prix du sang de la victime. Puis on a expliqué que également les héritiers de cette victime auront le choix soit d'exiger que la personne soit exécutée, parce que dans l'islam, il y a la peine de mort pour celui qui a été coupable d'homicide volontaire. Donc, ils auront... Mais par contre, la peine de mort, elle est à la décision ou au choix des héritiers de la victime. C'est-à-dire que s'ils veulent faire appliquer la peine sur la personne, ils peuvent exiger que la personne soit exécutée. Mais ils peuvent également pardonner le tueur et décider de ne pas le faire exécuter. Donc ça, c'est quelque chose qui est yani une distinction grande et importante par rapport à ça, vis-à-vis des règles islamiques par rapport aux koufars et qu'est-ce qu'eux, ils font hein, dans leur système pénal. Et aussi, quand on regarde ça, on voit que il y a une... Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il y a une grande miséricorde là-dedans. Il y a une grande miséricorde là-dedans. Tandis que quand on voit, par exemple, qu'est-ce que les koufars font dans les prisons. Par exemple, si quelqu'un a causé la, la mort de quelqu'un, un homicide volontaire, ils vont le mettre en prison, hein, pendant, peut-être à vie, ou selon le cas. Et tu vois qu'en réalité, dans ces situations-là, il n'y a pas vraiment de possibilité d'être excusé par la famille de la victime, et il n'y a pas non plus possibilité d'avoir la justice si la famille exige qu'il y ait justice ou réparation pour ce crime-là. En ce qui concerne l'homicide qui est semi-volontaire, eh bien là, elle doit faire non seulement payer la dia, mais elle doit aussi payer une expiation. Et ça, ça doit être pris de son bien à la personne qui a commis le crime. Et l'expiation en question, c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-kafara, et l'expiation en question, c'est de libérer un esclave si la personne possède des esclaves. Bon, aujourd'hui, les gens possèdent pas d'esclaves, donc ils ont le choix dans ce cas-là par la suite de jeûner 2 mois consécutifs, de jeûner 2 mois consécutifs, comme lorsque quelqu'un a commis un homicide involontaire. Et il doit payer le prix du sang, mais c'est un prix du sang qui est augmenté en sévérité. Hein? Cet argent-là qu'elle doit payer pour le prix de la vie de la victime, eh bien, ça doit être pris de ses héritiers. C'est ses héritiers ensemble qui payent. Puisque les héritiers vont hériter de lui s'il meurt, eh bien, ils doivent aussi participer à payer le prix du sang de la victime que leur proche a tué, hein, même si c'était un semi-volontaire. Si la personne, qu'est-ce ce qu'on appelle en arabe l'aqila, l'aqila, c'est les mâles héritiers de la famille. C'est ce qu'on appelle l'aqila, et c'est ils doivent être bien entendu des musulmans. C'est eux qui aident la victime à ramasser l'argent puis à payer, hein, pour l'homicide qui a été fait. Toutefois, si quelqu'un, par exemple, il n'a pas de mâles héritiers qui sont musulmans dans sa famille, alors dans ce cas-là, c'est à lui seul de régler le prix de la dia. Et on sait que parmi les raisons qui permettent à quelqu'un de mendier, il y a 3 cas que les ulama ont mentionnés dans lesquels quelqu'un a le droit de mendier ou de demander aux gens de l'argent. C'est lorsque quelqu'un est, par exemple, lourdement endetté, lorsque quelqu'un a justement une dia à payer et qu'il n'a pas les moyens. Ça fait partie des raisons pour lesquelles il est permis à quelqu'un de mendier. Sinon, en règle générale, la mendiance, c'est quelque chose qui est interdit en islam. Et donc, ça, c'est un cas pour la personne qui n'a pas d'héritier et qui n'a pas l'argent. Donc, il mentionne à ce sujet le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, où 2 femmes de la tribu de Hudayl s'étaient battues. 2 femmes de Hudayl s'étaient battues. Et vous voyez, des fois, les gens, des fois parmi les jeunes ou même des adultes, hein, ils veulent se montrer, par exemple, fort. Si quelqu'un dans la rue, par exemple, il insulte quelqu'un, hein, ou des jeunes à l'école qui se disputent, hein, puis là, il y en a un qui veut montrer à l'autre qu'il ne veut pas se laisser faire ou qu'il est capable de se défendre, alors il commence à se battre. Et en général, les gens, ils se mettent autour, puis il y en a qui commencent à encourager ça. Hein, et aujourd'hui, à notre époque, même c'est pire que ça, parce que il y a des gens qui sortent leur téléphone pour filmer ces bagarres. Hein. Eh ben, dans des genres de bagarres comme ça, là, eh bien, c'est bien possible que quelqu'un, par exemple, il frappe l'autre, hein, sans penser ou sans vouloir, hein, le tuer, mais que par un accident, il le frappe d'une façon qui fait que la personne, elle se blesse ou elle tombe et elle meurt à cause de ça. Ou bien peut-être qu'elle ne va pas mourir, mais elle va être peut-être paralysée. Hein? Elle va devenir tétraplégique ou bien paraplégique. Elle ne peut plus bouger. Elle est paralysée à cause de la personne. Hein? Ou ça peut être d'autres choses. La personne va être dans cette situation-là d'avoir commis un homicide involontaire. Est-ce que ça vaut la peine? Hein? Juste pour essayer de vouloir montrer que tu es plus fort que l'autre ou que tu ne te laisses pas faire, que tu es capable de te défendre. Il faut utiliser sa raison, il faut utiliser sa tête, ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, « Yani laysa shadid bi sur'a » La personne qui est dure, qui est forte, ce n'est pas celle qui est capable de battre les autres, mais c'est celle qui est capable de retenir sa colère. D'accord? Donc ça, c'est la vraie force. Hein? Donc, ceux qui veulent toujours essayer de régler tout avec leur poing, ou même des fois avec une arme, hein, ils sortent un couteau, puis ils veulent piquer l'autre, ils disent « Ah, hein, tu veux me faire des ennuis ou des problèmes ?» Là, ils sortent une arme, puis là, ils poignardent la personne. Ils ne réalisent pas les conséquences qui peuvent découler de ça. Hein? Ça peut même être parfois devenir un homicide volontaire. Hein? Et à cause de ça, ils vont être en prison. Hein? Donc, les gens, sur le coup, ils ne pensent pas aux conséquences. Mais c'est qu'une fois que c'est arrivé, une fois que l'affaire s'est produite, tu ne peux plus revenir. Hein? Et là, les conséquences de ces actes-là vont toutes s'empiler les unes sur les autres. Et là, après, tu commences à réaliser, mais comme je suis bête, mais pourquoi j'ai fait ça? Hein? J'aurais pas dû. Hein? Mais il est trop tard pour avoir des regrets maintenant. Donc, deux femmes, deux bagarres, une bagarre de deux femmes de la tribu de Houdail. Il y en a une des deux qui a lancé une roche sur l'autre. Et elle a tué la femme. Avec son bébé, parce qu'elle était enceinte. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a décrété que la femme qui avait tué l'autre, hein, devait, sa tribu, hein, les mâles de sa tribu devaient payer la diya de cette femme qui avait été tuée. Et c'est donc ces héritiers qui se mettent ensemble pour payer la diya de cette femme. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, le Cheikh dit « Fadalla al-hadith ala adami wujub al-qisas ». Des fois, les gens, et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté, c'est que les gens, ils font une distinction entre les règles de la vie et les règles de la religion, et ils pensent que les deux sont différents ou les deux sont séparés. Et ils pensent qu'ils peuvent juste régler leurs problèmes comme ils veulent, selon leur façon de penser, selon leur façon selon leur propre jugement, sans avoir par la suite à subir des conséquences. Hein? Puis ils s'imaginent que les rétributions ou les punitions qui en découlent sont injustes vis-à-vis d'eux, alors qu'ils le méritent. Hein? Et on sait qu'un musulman, il doit être satisfait du jugement d'Allah. Donc, s'il a été coupable d'un crime ou il a été coupable de quelque chose, il doit accepter les conséquences qui viennent avec s'il a contredit la religion d'Allah. Donc, le Cheikh dit « Fadalla al-hadith ala adam wujub al-qisas fi shibh al-amd wa ala diyatihi takunu wa ala anna diyatahu takunu ala aqilati al-jani li'annahu qatala » لا لأنه قتل لا يوجب قصاصا فكانت ديته على العاقلة كالخطأ. Donc il dit le cheikh que ce hadith là qu'on vient de lire, c'est la preuve que ce n'est pas obligatoire qu'il y ait une exécution pour le semi-volontaire, l'homicide qui est semi-volontaire. C'est-à-dire que la personne qui a commis un homicide semi-volontaire, il ne doit pas être exécuté. D'accord? Sauf que il doit payer une dia. Et qui doit payer cette dia? C'est les mâles héritiers de cette personne. Pourquoi? Parce qu'il a tué quelqu'un, mais c'était pas complètement volontaire. Donc, dans ce cas-là, il va pas être exécuté. Sauf que, comme dans l'homicide involontaire, il doit payer la dia, et c'est les proches, hein, les mâles héritiers qui doivent se mettre ensemble pour aider la personne à payer cette dia. Le cheikh, il dit, وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة. Hein? Donc il dit, Ibn al-Munzir, qu'il y a un ijma, un consensus. Il dit, il y a un consensus de tous ceux qui ont préservé la science et qui ont mémorisé la science parmi les hommes de science, que la dia est obligatoire pour les mâles héritiers de cette personne. Et ça, c'est rapporté dans son livre. Et Ibn al-Munzir, il a un livre qui s'appelle Al-Ijma. Il rapporte les ijma sur tous les différents sujets dans la religion. Et c'est divisé par chapitre selon les chapitres de fiqh. Donc, l'ijma sur la purification, sur la salat, sur la zakat, sur le jeûne, sur le hajj. Ensuite, sur le commerce, sur le mariage, sur le divorce, sur al-jinayat, ou al-qisas, et tout ça, l'héritage. Et il y a un parmi les ulama, Cheikh Abdullah al-Rudayyan, rahimahullah, j'écoutais certains de ses cours, il disait que c'est bien, par exemple, lorsque tu veux étudier le fiqh, de commencer par connaître les sujets sur lesquels il y a les consensus. Parce que du moment que tu connais les sujets sur lesquels il y a les consensus, eh bien, c'est comme si tu peux tout de suite mettre ça de côté pour dire il n'y a pas de divergence là-dessus, c'est des sujets qui sont classés, si on veut. D'accord? Ce sujet-là, il y a un consensus. Ça, il y a un consensus. Ça, il y a un consensus. Donc, il n'y a pas de divergence. C'est clair. Hein? Ça facilite beaucoup. Par la suite, lorsque tu étudies d'autres sujets, tu peux distinguer facilement les sujets sur lesquels il y a des divergences et sur les sujets sur lesquels il y a l'ijma, il y a consensus. Ensuite, il dit, « وقال المُوَفَّق Ibn Qudama, rahimahullah, le grand savant parmi les savants des Fuqaha al-Hanabila, il dit dans un de ses livres, et c'est Al-Mourni, c'est son encyclopédie de fiqh, Al-Mourni, il dit dedans, « La na'lamu khilafan ala annaha ala al-aqila, wa kada hakahu ghayruhuma. » Donc il dit ici, le cheikh, qu'on ne connaît pas de différence ou de divergence entre les savants, que cette dia doit être payée par al-aqila, les mâles héritiers de cette personne. Hein? Et c'est ça. Donc, j'ai posé la question à un parmi mes chers et je lui disais, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un, par exemple, il n'a pas de aqila musulmane? C'est quelqu'un qui est converti, par exemple. Et tous les membres de sa famille, c'est des chrétiens ou des juifs ou des koufars, mouchirkin, et qu'il a commis un accident ou qu'il a été coupable d'homicide semi-volontaire, qui va payer la dia pour lui dans ce cas-là? Et donc, il expliquait que c'est dans ce cas-là la personne elle-même qui sera responsable de payer pour ça. Il dit, il y a d'autres savants qui ont ramené cet ijma aussi, ce consensus-là. Il dit, wa amma qatlul khata, فقد عرفه الفقهاء بقولهم وهو أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا أو يعني avant de lire ça, juste une petite clarification, c'est que on a expliqué au dernier cours que par exemple il y a certaines choses qui peuvent être un homicide semi-volontaire et parfois qui peut être volontaire, mais parfois il peut y avoir divergence entre les personnes, à savoir, est-ce que ça c'est volontaire ou semi-volontaire? Hein? Pourquoi? Parce que il y a des choses qui peuvent tuer une personne, et il y a des choses qui peuvent, par exemple, ne pas la tuer, et peut-être que les gens ne seront pas d'accord, par exemple, sur le fait que cette chose-là tue ou non. D'accord? Comme on a mentionné l'exemple que si, par exemple, Cheikh Ibn Uthaymin mentionnait cette question, si tu prends de l'électricité puis tu donnes un choc à quelqu'un avec l'électricité, par exemple, 120 volts, hein, de qu'est-ce qu'il y a dans les prises aujourd'hui, tu donnes un choc électrique à quelqu'un, est-ce que ça va le tuer ou est-ce que ça va pas le tuer? Donc, quand il posait la question à ses élèves, il y en a des élèves qui disaient « oui, ça tue » et d'autres qui disaient « non, ça tue pas ». Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On se réfère à des spécialistes qui vont, eux, trancher et déterminer si quelque chose peut être réellement une cause pour tuer quelqu'un ou non. Ça peut être la même chose, comme il disait, par exemple, si quelqu'un il pousse quelqu'un dans une, par exemple, dans une piscine, mais qui n'est pas profonde. Hein? Ça tue pas en général. Quelqu'un ne va pas se noyer dans une pataugeoire, par exemple. Sauf que si tu jettes quelqu'un, par exemple, tu es dans un bateau sur l'océan, en plein milieu de la mer, puis tu le jettes. Bon, aussi de tenir compte de la personne. Est-ce que la personne sait nager bien ou non? Hein? Donc, tu vas dire, si tu le jettes dans 12 pieds dans une piscine, même si c'est profond, puis que la personne c'est un maître nageur, ça va pas le tuer. Hein? Sauf que si tu le jettes au milieu de l'océan, puis tu le laisses tout seul, même si c'est un maître nageur, il n'y a pas moyen que, hein, il se sauve. Parce que il va pas nager pendant une semaine pour arriver jusqu'à la côte. Hein? Donc, ça, c'est volontaire dans ce cas-là. Hein? Et il donnait des exemples aussi, comme un exemple d'un khalifa, je pense que c'était Al-Hajjaj. Il avait attrapé quelqu'un qui avait commis des problèmes ou qui avait fait de la fitna ou je sais pas quoi. Puis il lui a dit, OK, je vais te mettre dans une cage avec un lion, avec une main attachée dans le dos, et je te donne une épée. Si tu réussis à te sauver, t'es libre. Alors, la personne a dit d'accord. Alors, il l'a mis avec l'épée, il a attaché sa main. Hein, et donc, le cheikh, il disait ça, est-ce que c'est volontaire ou involontaire dans ce cas-là? Et là, il disait, bon, dans le cas de la personne qui est entraînée et qui a l'habitude, hein, le lion est venu vers lui, il a mis son bras pour l'arrêter, puis il l'a poignardé avec son épée. Donc, ils ont dit, bon, ça c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le combat, il sait comment se défendre, donc ça peut être ici quelque chose qui n'est pas volontaire nécessairement, tandis qu'une personne qui n'a aucune expérience ou aucun moyen de se défendre, eh bien, dans ce cas-là, oui, ce sera volontaire. Hein? Bon, ça, c'était juste une petite note en passant. وأما الخطأ قتل الخطأ فقد عرفه الفقهاء بقولهم وهو أن يفعل ما له فعله وهو أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا معصوما لم يقصده فيقتله أو يقتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا. Donc il dit, le cheikh ici, si quelqu'un, par exemple, il tue une autre personne involontairement, par erreur, eh bien, les fuqaha, ils ont défini ce genre d'homicide en disant, c'est que lorsqu'une personne fait ce qu'il a le droit de faire, comme par exemple, il part à la chasse, hein, et ou bien il tire sur des cibles, puis, par erreur, il atteint une personne. Lui, il voulait tuer un animal. Par erreur, il a pensé que c'était un animal, c'était un être humain, hein, par exemple. Il n'avait pas l'intention de le faire. Hein? Ou bien, un musulman, par exemple, qui part à la guerre, puis qu'il tue quelqu'un dans le rang des koufars, mais qui était musulman, puis lui, il ne le savait pas. Hein? Ça, c'est un exemple aussi. Et dans l'exemple de ça, par exemple, quelqu'un qui prend sa voiture, OK, et qui roule dans une zone de 50, il roule à 100. OK? Et puis, il frappe quelqu'un. Il la tue. Dans ce cas-là, est-ce qu'on va dire, par exemple, que non, ça, c'est semi-volontaire, ou on va dire c'est une erreur, homicide involontaire? Hein? Dans ce cas-là, ça pourrait parfois être même un homicide semi-volontaire. Parfois même volontaire. Pourquoi? Parce que la personne qui roule à cette vitesse-là, dans cette zone-là, c'est impossible qu'elle ait le temps de réagir, hein, si c'est nécessaire. Tandis qu'une personne qui roule à la vitesse permise, ou qui roule en dessous de la vitesse permise, et qui frappe une personne par accident, parce qu'elle ne l'avait pas vu ou bien parce qu'elle est sortie devant lui brusquement. Dans ce cas-là, ça, c'est involontaire. D'accord? Donc, ça, tout dépend de la personne, tout dépend de la situation, tout dépend de beaucoup de facteurs. D'accord? Et ça, c'est les juges qui vont avoir à trancher dans ces questions-là et à analyser les situations selon le contexte, selon la situation, selon les preuves, selon les témoins, selon et ainsi de suite. Donc, le cheikh il dit, يعني وعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ لأنهما ليس لهما قصد فهما كالمكلف المخطئ. Donc, parmi les conditions pour qu'une personne mérite une peine ou une punition, ou une, hein, il faut que la personne soit, on l'a déjà, je pense qu'on l'a mentionné au dernier cours, il faut que la personne soit, baligh, il faut que la personne soit pubère, il faut qu'elle ait atteint l'âge de raison. Si la personne, elle est un enfant, puis qu'elle tue quelqu'un, c'est considéré comme une erreur, involontaire, même si elle a tué la personne volontairement. L'enfant qui tue quelqu'un, c'est considéré comme involontaire, même si il l'a fait volontairement, parce qu'il n'a pas, il a pas sa raison. De même qu'une personne qui est folle, une personne qui est déficiente intellectuelle, et qu'elle tue quelqu'un, hein, on ne va pas considérer la personne comme étant coupable, hein. Même les koufars, ils savent ce principe-là. Ils vont dire quelqu'un qui est aliéné ou qui est fou ou qui est malade, s'il commet un crime, il ne va pas être considéré comme étant coupable dans ce cas-là. Bien entendu, il faut déterminer que la personne est vraiment folle, et ça, ça prend des analyses de la part de ces spécialistes qui vont déterminer que la personne est réellement folle, et ainsi de suite. Il dit فَهَذَا كَالْمُكَلَّفَ الْمُخْطِي. Donc c'est considéré comme la personne qui a commis un homicide involontaire, si c'est un enfant ou quelqu'un qui est fou. وَيَجْرِي مَجْرَى الْخَطَأَ أَيْضًا الْقَتْلُ بِالتَّسَبُّبِ يعني لو حفر بئرا أو حفرة في الطريق في طريق أو أوقف فيه سيارة فتلف بسبب ذلك إنسان. Il dit également que on considère comme étant un homicide involontaire un meurtre qui a été fait par cause, hein, dans le sens que par exemple si quelqu'un il a creusé un trou, hein, quelque part ou un puits sur un chemin ou quelque part comme ça, puis que quelqu'un est tombé dedans, ou bien il arrête sa voiture quelque part sur l'autoroute. Hein, j'ai entendu ça l'autre jour sur aux nouvelles. Il y a une femme qui roulait sur l'autoroute et elle a vu des canards. Hein, et elle s'est arrêtée pour les enlever du chemin. Et une voiture qui s'en venait à toute vitesse derrière elle, elle ne l'avait pas vue. Puis à cause de ça, elle a foncé dans sa voiture, puis elle est morte à cause de ça. Donc à cause de sa négligence et de s'être arrêtée en plein milieu de la route, sous l'autoroute, elle a causé la mort de quelqu'un. Donc ça va être considéré comme un exemple d'homicide involontaire, par exemple. Pourquoi? Parce qu'elle a causé la mort de quelqu'un à cause de ça, de cette négligence-là. Ou bien quelqu'un qui fait un trou, qui laisse un trou dans la rue, en plein milieu de la rue, et quelqu'un qui est tombé dedans, puis qui est mort à cause d'elle. C'est comme si, par exemple, dans les égouts, là, par exemple, tu retires le couvercle de l'égout. Puis quelqu'un qui vient à vélo ou en skateboard, ou bien qui marche, puis qui tombe dans le trou, il se casse le cou, par exemple, qu'il meurt. Tu vas dire, ben, je ne l'ai pas tué. Sauf que, en retirant ça, hein, tu as été une cause. Donc, on va dire que ça, c'est un homicide involontaire dans ce cas-là. Il dit ويجب بالقتل الخطأ الكفارة في مال القاتل وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يقدر على ثمنها صام شهرين متتابعين وتجب الدية على عقيلته Donc le cheikh, il dit, il est obligatoire donc, pour la personne qui a commis un homicide involontaire, il est obligatoire de payer une expiation dans ses biens, dans ses propres biens, c'est-à-dire il doit libérer un esclave croyant. S'il n'en trouve pas à libérer, hein, ou bien s'il en trouve mais il n'est pas capable de payer le prix de cet esclave-là, il va jeûner 2 mois consécutifs. Et il est obligatoire également pour la personne de payer la dia, le prix de sang de la vie de cette personne. En ce qui concerne les différentes catégories de dia et les différentes valeurs de chacune de ces catégories-là, ça, il y a un chapitre spécifique juste sur ça. Dans les chapitres qui vont venir, c'est le chapitre « Fi ahkam ad-diyat » et « Maqadir fi maqadir ad-diyat ». Donc, ça va être clarifié plus tard. Il y a aussi même ad-diyat al-a'da, c'est-à-dire il y a même une diya spécifique pour différents membres du corps. Si quelqu'un si quelqu'un a causé la perte de la vue à quelqu'un ou de l'ouïe ou la perte d'un bras ou d'une jambe ou la perte de son cerveau par exemple, il lui a cassé le crâne ou il l'a rendu handicapé. Il y a une dia pour ça. Et chaque membre a une dia particulière. Donc, d'accord? Donc, tout ça, c'est déterminé par la charia d'Allah et clarifié par la charia d'Allah. Donc, en ce qui concerne, comme on disait, la dia, elle doit être payée par les mâles héritier de cette personne. Il dit وَمَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا فِي صَفِّ كُفَّارٍ يَظُنُّهُ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَ فَقَدْ لَا يَجِبُ فِيهِ إِلَّا الْكَفَّارَ فَقَدْ لقوله تعالى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وكان الله عليما حكيما. D'accord? Donc ici le cheikh il explique par rapport à qu'est-ce que la personne qui a commis l'homicide involontaire, qu'est-ce qu'elle doit faire, et si elle a tué par exemple un musulman qui était dans les rangs des koufars et qu'elle l'a tué par erreur, hein, elle a tué un musulman qui était dans les rangs des ennemis, alors dans ce cas-là il doit payer sa dia. Ça c'est lorsque le musulman qui était dans le rang des koufars a été amené par les ennemis par force. Il doit payer ça. Mais s'il a été amené, et s'il est venu dans les rangs des koufars contre les musulmans de son propre gré, alors dans ce cas-là, il n'y aura pas de tout ça à payer. Hein, ça, c'est un détail que les ulama ont clarifié également. Et je pense qu'on va en mentionner quelque chose un peu plus loin, Inch'Allah. Parce que j'ai lu un petit peu dans différentes références aussi, donc des fois je me rappelle plus si ce que j'ai lu, je l'ai lu dans Al-Mulakhas ou bien si je l'ai lu dans un autre livre. Donc je me dis, bon, s'il l'a expliqué, ouais, il l'a expliqué justement, je crois, ici. Ok, donc ça c'est un sujet très intéressant et très important en même temps qui vous allez voir. Il y a des points vraiment bénéfiques à connaître dans ces choses-là. Ici, le cheikh, il a cité donc la preuve par rapport à ça. Donc, il dit que si, par exemple, un musulman, il a tué un autre musulman qui était dans les rangs des koufars, il pensait que c'était un kafir, mais finalement, c'était un musulman, eh bien, dans ce cas-là, il n'a que à payer la kafara. Il n'a que à payer la kafara seulement. Et il mentionne comme preuve à ce sujet le verset 92 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce qui signifie, il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant si ce n'est que par erreur, hein, de façon involontaire. Et quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Hein? Et après, il dit, mais si le tué appartenait à un peuple ennemi, hein? Un peuple ennemi à vous, c'est-à-dire un peuple ennemi aux musulmans, et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. C'est-à-dire, il n'y a pas de dia à payer dans ce cas-là. Parce qu'il était parmi le rang, les rangs des ennemis, puis le musulman l'a tué en pensant que c'était un kafir. Donc, il doit seulement faire la kafara, hein, l'expiation d'un esclave, ou jeûner 2 mois consécutifs s'il n'a pas les moyens. Ensuite, il y a une autre catégorie qui est mentionnée. Il dit, s'il appartenait à un peuple, c'est-à-dire un peuple parmi les peuples des non-musulmans, les kuffars, auxquels vous êtes liés par un pacte, hein, et que le musulman l'a tué, alors qu'on verse alors à sa famille le prix du sang. Donc on doit payer la dia pour ce non-musulman-là, hein, et qu'on affranchisse un esclave croyant. Il doit y avoir une kafara aussi. Il dit, celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois consécutifs pour être pardonné d'Allah. Ça veut dire qu'il va jeûner 2 mois consécutifs pour quelqu'un qui n'est pas musulman. Parce qu'il l'a tué, mais il fait partie des non-musulmans qui est protégé par une entente de paix. Hein? Donc les koufars, là, aujourd'hui, là, ceux qui, par exemple, commettent des actes de terroristes et qui tuent des non-musulmans, hein, ils doivent, en principe, payer la dia de tous ces non-musulmans-là parce que ces non-musulmans-là sont protégés par une entente de paix qu'il y a entre les dirigeants musulmans et les dirigeants des pays non-musulmans qui sont sous cette entente de paix entre eux. Et donc, d'atteindre leur vie, de porter atteinte à leur vie et à leur honneur, ça c'est quelque chose qui est, ou à leur bien, c'est quelque chose qui est strictement interdit dans la charia d'Allah. Hein? Et donc ça a été clarifié par les ulama et le cheikh, il va le mentionner aussi. Il dit, فَجَعَلَ قَتْلَ الْخَطَأَ عَلَى قِسْمَيْنِ قسم فيه الكفارة على القاتل والدية على عاقلته وهو قتل المؤمن خطأ في غير صف الكفار وفيما إذا كان القتيل من قوم بيننا وبينهم عهد وقسم تجب فيه الدية فقط وهو قتل المؤمن بين الكفار يظنه القاتل يعني كافرا. Donc il dit, le cheikh, il dit, le meurtre qui a été, ou l'homicide qui est involontaire, il est de 2 catégories. La première catégorie, c'est lorsque le tueur, a tué un croyant par erreur, en dehors de ceux qui sont dans les rangs des kuffars. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit payer? Il doit payer la kafara, et il doit, et les mâles héritiers de cette personne doivent payer la dia. Et il dit, tandis que si, il dit, et si le tué, la personne tuée, fait partie des peuples, c'est-à-dire les non-musulmans parmi les gens qui ont une entente de paix avec les musulmans, eh bien c'est la même chose. Hein? Ils doivent payer la dia et il doit y avoir une kafara. Et il dit, à la deuxième catégorie, c'est ceux qui doivent seulement payer la dia, et c'est lorsque un croyant, hein, un croyant parmi les koufars a été tué, en pensant que c'était un kafir. Ici, le cheikh, il dit la dia, mais je pense que ici, il veut dire plutôt la kafara, parce que quand tu regardes dans qu'est-ce qu'il a mentionné auparavant, il dit, وقتل مسلما في صف كفار يظنه كافرا فإنه لا يجب فيه إلا الكفارة فقط. Donc ici, je pense que qu'est-ce qu'il veut dire ici, c'est تجب فيه الكفارة فقط. وهو قتل المؤمن بين الكفار يظنه القاتل كافرا. Après, il dit le cheikh. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير فإن كان من عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي فإن كان المقتول من قوم عدو لكم وهم الكفار الحربيون، وهذه مسألة، وهذه مسألة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين كان منهم ثم أسلم ولم يهاجر، وهم يظنون أنه لم يسلم وأنه باق على دين قومه، فلا دية على قاتله، بل عليه تحرير رقبة مؤمنة. Donc c'est ça, exactement. Donc il y a la personne qui a été tuée parmi les kuffar, elle fait partie de ce peuple-là, mais elle est convertie à l'islam, ou elle est musulmane. Et le musulman pensait que c'était un kafir, et il l'a tué. Hein, parce que c'est des kuffars qui sont en guerre avec les musulmans. Et bien dans ce cas-là, ils doivent payer une kafara, hein, c'est de libérer un esclave, ou de jeûner 2 mois consécutifs. Et il dit, le cheikh, il dit que l'imam al-Shawkani, il a mentionné ça dans son tafsir, Fath al-Qadir. Il dit, si la personne qui a été tuée fait partie d'un peuple ennemi à vous, c'est-à-dire les mécréants qui sont en guerre avec vous, il dit donc, dans cette question, le croyant qui a été tué par les musulmans dans les pays des kuffars, alors qu'il fait partie d'eux, c'est-à-dire c'est un des leurs, c'est-à-dire il est de leur pays, sauf que il est converti à l'islam ou il est musulman, il n'avait pas fait la hijra pour aller vivre parmi les musulmans. Et eux, ils pensaient qu'ils ne s'étaient pas convertis, hein, ou qu'ils étaient restés sur la religion de ces gens-là. Alors, dans ce cas-là, il n'a pas de dia. Il n'y a pas de dia à être payé, hein, pour celui qui l'a tué. Mais plutôt, il doit uniquement faire une expiation et libérer un esclave ou payer le prix d'un esclave pour le libérer. Et ça doit être un esclave croyant. Et également, s'il n'a pas les moyens de libérer l'esclave, il peut jeûner 2 mois consécutifs. Hein? Il dit وَاخْتَلَفُوا فِي وَجْهِ سُقُوتِ الدِّيَةِ فَقِيلَ وَجْهُهُ أَنَّ أَوْلِيَاءَ الْقَتِيلِ كُفَّارٌ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الدِّيَةِ وَقِيلَ وَجْهُهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي آمَنَ وَلَمْ يُهَاجِرْ يعني حرمته قليلة لقول الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. وقال بعض أهل العلم إن ديته واجبة لبيت المال. انتهى. Donc le cheikh il dit que les savants ont divergé pourquoi la dia de ce musulman là elle ne doit pas être payée. Hein? Le musulman qui était parmi les kuffars et qui était ces koufars-là sont en guerre avec les musulmans, puis lui il était dans leur rang et qu'il a été tué par les musulmans en pensant que c'était un kafir, pourquoi on ne doit pas payer la dia pour lui? Certains ulama ont expliqué ça de différentes façons. Certains ont dit que c'est parce que les alliés ou les proches de ce musulman qui a été tué ne sont pas des musulmans, donc ils n'ont pas le droit, hein, à la dia. Ses héritiers sont pas musulmans, donc ils n'ont pas le droit de prendre la dia, le prix de son sang. D'autres ont expliqué en disant que, étant donné qu'il était musulman, mais qu'il n'avait pas fait la hijra, donc c'est comme si en voulant dire que sa vie était moins sacrée du fait qu'il vivait parmi les kuffars. Et il mentionne comme référence ou comme preuve à ce sujet-là le verset 72 dans Sourate Al-Anfal. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement que ceux qui n'ont pas fait la hijra, c'est comme si vous n'avez pas à les secourir ou à les défendre, hein, les considérer comme alliés. C'est le verset 72 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ceux qui ont cru et émigré et lutté de leur bien et de leur personne dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont cru et n'ont pas fait la hijra, vous ne serez pas liés à eux jusqu'à ce qu'ils fassent la hijra. Et s'ils demandent secours au nom de la religion, à vous de leur porter secours, mais par contre, mais pas contre un peuple auquel vous êtes lié par un pacte. Mais pas contre un peuple auquel vous, un peuple parmi les koufars auquel vous êtes lié par un pacte. Donc ici, ça c'est une explication que des ulama ont mentionné, du fait qu'il n'avait pas fait la hijra, donc il n'a pas, il n'a pas droit à cette diya. Et d'autres ulama ont dit que, oui, il a le droit à la diya, mais elle va être payée, ou bien il a le droit à la diya, mais elle est payée par, ou elle revient à Bayt al-Muslimin. C'est-à-dire, sa diya, elle ne doit pas être donnée à ses proches, mais donnée au trésor des musulmans. Elle va être payée au trésor des musulmans. Fin de la citation. Ensuite, il dit, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية et c'est ça le point que je vous mentionnais tout à l'heure il dit وهدف المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير والمسلم الذي لا تمكنه الهجرة والخروج من صفهم أما فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال لأنه عرض نفسه للتلف بلا عذر. C'est ça que le cheikh explique ici. Ibn Taymiyyah il dit que cette kafara, cette expiation, elle doit être payée uniquement pour le musulman qui était parmi les rangs des koufars et qui est excusé, dans le sens qu'il était prisonnier, ils l'ont forcé de venir, ou que c'est le musulman qui n'avait pas la capacité de faire la hijra et de quitter leur rang. Parce que s'il quitte, il risque de le tuer, il va être déserteur ou je ne sais pas quoi. Donc, dans ce cas-là, il était forcé d'y aller et donc il est excusé. Mais celui qui se tient dans leur rang volontairement, dans ce cas-là, lui, il n'a pas de. Il n'est, ça n'est pas garanti. C'est-à-dire, il n'y a pas de kafara à payer dans ce cas-là pour ça. Parce qu'il s'est lui-même placé dans cette situation-là et donc il n'a pas d'excuse. D'accord ? Il dit والدليل على وجوب دية القتل الخطأ على عاقلة القاتل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها ولبنتها وبنتيها وأن العقل على عصبتها متفق عليه فدل الحديث على أن دية الخطأ على العاقلة وقد يجمعوا على ذلك. Non. Donc ici, le cheikh, il mentionne la preuve pour le fait que lorsque quelqu'un a fait un homicide involontaire, c'est à la famille la famille de la personne qui a tué, ses proches, ses héritiers, qui doit payer la dia. Et les gens, ici dans ce pays, par exemple, ici au Canada, les gens, ils disent... Mais comme si ici, si, les gens, ils ne paient pas le prix de sang quand quelqu'un il meurt. Sauf que vous pensez que ça sert à quoi les assurances? Vous pensez que les assurances, là, ça sert à quoi? Quand ils disent, là, vous devez vous assurer pour 2 millions, là, ou je ne sais pas quoi, quand vous prenez une voiture. Parce que tu vas rentrer dans une station d'essence par accident, tu vas faire exploser la station d'essence parce que ta voiture est foncée dans le truc, là. Et là, il y a un gros feu, puis tout explose. Pourquoi il faut se couvrir à 2 millions? Ça, c'est un exemple. Oui, c'est ça. Mais en même temps aussi, c'est comme pour dire que eux, ils se basent sur le système d'assurance pour payer ça. Alors que dans l'islam, non. On n'a pas le droit d'avoir recours à des assurances vie ou des choses comme ça dans le système islamique. Sauf que par contre, qu'est-ce qui est permis? C'est de faire une caisse de solidarité dans lequel tout le monde met de l'argent et lorsque quelqu'un en a besoin, il peut en prendre pour régler ce genre de situation-là, par exemple. Mais pas quelque chose comme ici l'assurance qui devient en réalité un petit peu comme un jeu de hasard. Hein? Tu prends ton assurance, puis 2 jours après, ta voiture, elle brûle. Alors, il t'en donne une nouvelle. L'autre, ça fait 20 ans qu'il paye les assurances tous les jours, tous les mois. Il n'a jamais eu d'accident, il n'a jamais rien eu. Et lui, il n'a rien. La compagnie d'assurance a fait plein d'argent avec lui. L'autre, il a donné peut-être quoi, $20? Il reçoit une voiture neuve. Donc, c'est ça. C'est des systèmes qui se basent sur l'argent des autres pour faire de l'argent. Hein, profiter de l'argent des autres, comme les banques. Hein. Tu mets ton argent dans la banque, eux, ils le prennent, puis ils font des profits avec. Mais c'est si tu réfléchis bien, comme par exemple d'un certain point de vue, tu dis, ouais, c'est malin. Hein, comme on dit, c'est malin. Mais pour eux, malin, ça veut dire intelligent, alors qu'en réalité, malin, ça ne veut pas dire, quelque chose de bien. Si tu es malin, pour eux, si tu es mauvais, tu es bon, t'es intelligent. Si tu es honnête, tu n'es pas intelligent. C'est ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Écoutez, on va continuer la semaine prochaine, inshallah, la suite. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته